s'évapore. Des flammes vides qui se dévorent. Moi je reste pierre et acier. Ride a skill vrai. Jamais faussé. Ils dressent des trônes faits de fumée. Des royaumes creux vite consumés. Chaque sourire cache la peur. Chaque victoire masque leur heurts. Moi j'avance sans vos artifices. Chaque mot gravé, brut et précis. Ride a skill, marche droit, sincère. Un feu réel, une lumière claire. L'ombre de leur dieu, aveugle, sourd, prisonnier d'eux. Leur voix hurle mais ne bâtissent rien. Des murs fragiles, du sable ancien. Moi je trace ma route sans détour. Chaque cicatrice nourrit mes jours. Ride a skill renaît sans effort. Ma voix persiste, un rock plus fort. Crown of smoke will fade away. Truth will stand and never sway. Cachez vos chaînes dans des reflets, mais vos ombres s'effacent à jamais. Moi je reste franc, légitime, un feu sacré sans abîme. Vos flammes s'effacent. Chaque mensonge se brise et se casse. Ride a skill vit, ancré dans la pierre. Un nom sincère, une voix claire.